بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. سلام هي حتى مطلع الفجر. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube.